Alors, je commençais à me creuser la tête et à chercher, quand un soir le juge de paix, avec qui je venais de dîner, me dit « Le fils de la mère Paumelle vient encore de faire une bêtise. Il finira mal, ce garçon-là. Il est bien vrai que bon chien chasse de race. » Cette mère Paumelle était une vieille rusée, dont la jeunesse avait laissé à désirer. Pour un écu, elle aurait vendu certainement son âme et son garnement de fils par-dessus le marché. J'allais la trouver, et tout doucement, je lui fis comprendre la chose. Comme je m'embarrassais dans mes explications, elle me demanda tout à coup « Qu'est-ce que vous lui donnez à cette petite ?» Elle était maligne, la vieille, mais moi pas bête, j'ai préparé mon affaire. Je possédais justement 3 lopins de terre perdus auprès de Sasseville, qui dépendaient de mes 3 fermes de Villebon. Les fermiers se plaignaient toujours que c'était loin. Bref, j'avais repris ces 3 champs, 6 acres en tout. Et, comme mes paysans criaient, je leur avais remis, pour jusqu'à la fin de chaque bail, toute leur redevance en volaille. De cette façon, la chose passa. Alors, ayant acheté un bout de côte à mon voisin, M. de Montet, je faisais construire une masure dessus, le tout pour 1 500 francs. De la sorte, je venais de constituer un petit bien qui ne me coûtait pas grand-chose, et je le donnais en dot à la fillette. La vieille se récria, ce n'était pas assez. Mais j'étais un bon, et nous nous quittâmes sans rien conclure.